Je ne voulais pas. Non, je ne voulais pas. Milan, je voulais avancer, mais eux ne voulaient pas. Ne m'en voulez pas, t'es pas mon père, vous voulez quoi? Je ne voulais pas, en grandissant, que l'illicite m'ouvre les bras, pour faire pleurer celle qui dort sous mes draps. Comment faire quand la vie te dit soumets-toi? J'ai les nerfs, va y avoir du sang sur mes doigts. Je ne voudrais pas, mais s'il fallait, je dévoraillerais sur toi. On me dit t'es voilier ou quoi? On reçoit, on prend sur soi, parfois on déçoit, alors on reste chez soi. Solitaire, je ne voulais pas, solidaire, je voulais ça. Les années passent et ça ne se passe pas comme ça. Je ne voulais pas, non, je ne voulais pas. Je ne voulais pas amener du shit au hess. Dehors, je connais la hess. Alors à l'intérieur, laisse tomber. Trop, je ne te laisserai pas tomber. Je ne voulais pas que ma mère voit ses fils tour à tour au tribunal. Sais-tu ce que c'est que de vivre dans une tribu de mal? Je ne voulais pas, mais j'ai acheté une arme. Ma raison m'affirme que j'ai raison. Heureusement qu'ils étaient pas dans la maison. Je veux jouer à l'attaque, gros, pas latéral. Sinon dommage collatéral. On ne voulait pas, mais le choc fut frontal. Aurait pu être fatal, banal pour le journal. Chez nous quatre, famille à mal. Je voulais une vie ensemble, jusqu'à terminer ensemble, ensemble. Et non pas une vie à part. Petit à petit, je ne veux pas, mais je me sens perdre l'appétit. Pour supporter ma rage, l'entourage est trop petit. Je ne voulais pas, mais je suis malade. La santé est partie faire une balade. Je ne voulais pas, mais je subis la vie. Elle m'a dit, supplie que je te garde en vie. D'où je viens, qui je suis. J'ouvre les yeux, aucun problème avec ce que je suis devenu. J'ai toujours eu ce que j'ai voulu, acheter ou voler. J'ai récolté ce que j'ai semé. Je ris car la merde a fleuri. Je ne voulais pas, mais c'est comme ça, petit. Tu ne savais pas, mais ça sort du 32 000. Tu ne sais pas, mais je vise toujours le 1000. Je ne voulais pas vivre tout ça, faire tout ça. Je ne voulais pas, mais nous laissons le choix. Les anciens prient, attendent le paradis. Ils ne voyaient pas, ne croyaient pas que travailler pour ce pays ne leur laisserait pas un radis. Vous ne saviez pas que la France était une radine. Vous ne saviez pas, je ne savais pas non plus. Je ne savais pas que la vie n'était pas si rose, morose. Elle se fane comme un bouquet de roses. Game over, of overdose. Je ne me voyais pas au bout du rouleau. Ma personne au bout du boulot. Marre de la vie et du boulot. Je ne voulais pas tout ça, mais j'ai pas eu le choix. J'ai pas choisi. Comme toi, comme lui, comme moi. Crois-moi, baisse pas les bras. Reste fort petit. Elle est belle la vie. Croque-la comme une pomme. Jusqu'à ce qu'on tombe. Croque-la. Reste fort. Reste fier. Reste toi-même. Reste fort. Reste fier. Reste